إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنواصل دراستنا في كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمة الله عليه سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الدراسة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة وبعد فما زلنا في دراسة مقدمة المصنف رحمة الله عليه Donc on est toujours les frères sur l'étude de la lettre de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani Rahimahullahu Ta'ala. Et on a dit que on avait terminé la fois dernière de lire et d'expliquer en quelque sorte l'introduction du commentateur Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah. C'est une introduction générale concernant la lettre d'Ibn Abi Zayd. Ensuite, on a commencé d'une manière plus particulière à lire, on va dire, l'introduction à cette lettre de l'auteur lui-même. De l'auteur lui-même, pourquoi ? Parce qu'il va présenter son travail à son shir qui justement lui avait demandé de rédiger cette risala. Donc du fait que, comme on avait expliqué la fois dernière, c'est son shir, l'initiative de son shir qui lui a demandé de rédiger ce livre. Donc lui, avant d'entamer ici le livre et de mentionner ce qu'il a évoqué dans le livre, il a commencé d'abord à présenter son travail à son shir. Et donc la méthodologie par laquelle il va rédiger ou avec laquelle il va rédiger son célèbre livre qu'on est en train d'étudier qui est entre nos mains Ar-Risala. Et on s'est arrêté la fois dernière sur on avait commencé le début de l'explication de son introduction lorsqu'ensuite il dit à son shir tu m'as demandé de t'écrire un abrégé sur ce qui est obligatoire dans la religion concernant ce que les langues doivent prononcer, ce que les cœurs doivent croire et ce que les membres doivent mettre en pratique. Alors il dit, il y sera question aussi des actes de la sunna qui se rattachent à ses obligations, c'est-à-dire qu'il dit qu'il va mentionner dans ce livre les actes de la sunna qui se rattachent à ses obligations, c'est-à-dire à mettre en pratique. Que ces actes soient mu'akkada, bien confirmés, ou bien minan nawafil, parmi les actes surrogatoires, ou bien les préconiser, comme il dit. Il a utilisé le terme ici, ra'ib, ra'ibiha, aumin, ra'ibiha, qui est traduit par les préconiser. Ensuite, l'auteur dit, toujours, donc c'est Cheikh Ibn Abi Zayd, l'imam, qui s'adresse à son Cheikh, et lui dit, suite à ta demande, on ajoutera des bons usages prescrits par cette sunna. Avec les questions de base du droit et ses applications, selon les avis et l'école de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala. Puisque lorsqu'on avait parlé du shir tout à l'heure, dans les cours précédents plutôt, on avait dit que l'imam était spécialiste, il faisait partie de ceux qui maîtrisaient les enseignements et le savoir de l'imam Malik. Pour cela, on avait dit qu'il avait été surnommé Malik al-Sarir, le petit Malik. L'itqanihi lihadihi al-ulum. Pour cela, il dit que, justement, dedans, il va mentionner les avis de l'école de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Il lui dit encore, tu m'as demandé aussi, pour faciliter la compréhension de ce qui pose problème, de me référer à l'exégèse des savants émérites et à l'explication des grands juristes. Donc là, il est en train de nous faire mention que dans la demande de son shir lui a demandé, pour faciliter la compréhension de ce qui peut poser problème, de se référer aux explications et à l'exégèse des savants émérites et à l'explication des grands juristes. Car il dit, tu as émis le souhait de l'enseigner aux enfants. Vous avez vu, hein? Donc à la base, son shir lui demande pour enseigner à ses élèves, à qui son shir enseignait Kitab Allah, le livre d'Allah, Al-Qur'an. Et donc il dit, tu as émis le souhait de l'enseigner aux enfants. D'enseigner quoi, les frères? Ben, Risala, ce que va rédiger Ibn Abi Zayd, rahimahullah. Donc il lui dit, comme tu as émis le souhait de l'enseigner aux enfants, comme tu leur enseignes les mots du Coran. Cela afin qu'il y ait en premier, dans leur cœur, assez de compréhension de la religion d'Allah et de ses lois pour en espérer pour eux la bénédiction et la fin louable pour leur devenir. Alors il lui dit, j'ai donc répondu, il va dire, j'ai répondu favorablement à ta demande, فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ لِمَا رَجَيْتُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ ثَوَابْ مَنْ عَلَّمَ دِينَ اللَّهَ وَدَعَى إِلَيْهِ وَأَعْلَمْ أَنَّ خَيْرَ الْقُلُوبِ أَوْعَاهَا لِلْخَيْرِ وَأَرْجَى الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَا لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُّ إِلَيْهِ. Voyez ce qu'il va dire. J'ai donc répondu favorablement à ta demande, espérant pour moi, comme pour toi, la rétribution divine pour celui qui enseigne la religion d'Allah ou appelle à son enseignement. Vous avez vu, hein? C'est-à-dire, à travers la demande de son shir, il dit qu'il répond favorablement à cela, et il met bien en avant qu'il connaît la grande récompense auprès d'Allah pour celui à l'adhi yad'u ilallahi subhanahu wa ta'ala, qui enseigne cette religion et appelle à son enseignement. Et regardez ce qu'il dit à son shir. Sache que le meilleur cœur est celui qui retient le plus le bien, et que le cœur dont on espère le plus le bien est celui que le mal n'a jamais atteint. Je vous la répète, la phrase du shir. Regardez ce qu'il dit à son shir. Hein. Ça prouve, regardez, hein, à l'époque, comme certains biographes et savants, lorsqu'ils l'ont expliqué, ils ont dit à l'époque qu'il avait 17 ans. Regardez ce qu'il dit. Et un jour, Inch'Allah, on fera, si on a le temps, une grande parenthèse sur des grandes sommités, si on peut le dire, hein, des grands émérites et érudits de notre communauté, des gens, comment ils étaient lorsqu'ils étaient en jeune âge. Et vous allez voir, comme on a dit la fois dernière, 17 ans de l'époque, ne faites pas de comparaison avec les 17 ans de notre époque. C'est pas les mêmes hommes. On n'est pas les mêmes hommes. On est les mêmes hommes dans la création, dans etc. Mais dans leur manière à l'époque de voir les choses, dans leur du fait qu'ils étaient responsables, comme on a dit, ils avaient sifat rujula, vraiment. Et on expliquera ça plus en détail, puisqu'on là, on a du travail aujourd'hui, plus en détail, dans peut-être d'autres assises, Inch'Allah. Et regardez ce qu'il dit déjà. Regardez ce qu'il dit, cette très belle parole. Sache que le meilleur cœur est celui qui retient le plus le bien. Le meilleur cœur, c'est celui qui retient plus le bien. Et que le cœur dont on espère le plus le bien est celui que le mal n'a jamais atteint. Donc le meilleur cœur, c'est celui dont qui retient plus le bien, et celui qui retient plus le bien, celui que le mal n'a jamais atteint. Le fait de préserver donc son cœur, et préserver le cœur des jeunes, des enfants, pour pas qu'ils soient atteints par le mal. C'est pour ça que parfois vous avez vu, hein, des gens qui ont vécu dans différentes sociétés, des sociétés qui sont différentes, Il y a des gens, par exemple, de la communauté, vous avez vu que leur comportement est incomparable avec d'autres membres jeunes de la communauté, par exemple, de d'autres contrées. Par exemple, si vous prenez les grandes élites, les grandes sommités, les grands émérites de notre communauté, par exemple, parmi les contemporains, les grands savants, les Cheikh Ibn Al-Thaymin, ou Al-Albani, ou Cheikh Ibn Baz, voilà, ou là, Al-Ulama, ces savants-là, lisez leur jeunesse, le contexte dans lequel ils ont grandi, qui était, regardez, même lisez les grandes biographies de grands savants et grands émérites, les vertueux et les pieux parmi notre communauté, vous allez voir des gens qui ont grandi dans un environnement propice justement pour la piété et pour l'acquisition de la science et du savoir. Et l'ilm. Ils ont été préservés depuis le plus jeune âge. C'est pour cela que quand vous lisez la vie de, par exemple, de grands savants comme Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz et l'Akhiri, vous voyez, c'est une autre vie. Des gens qui n'ont pas connu ce que peut-être beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, dans notre pays ici, dans le pays où on vit, beaucoup de gens ont connu comme chose. C'est pour cela que la manière de concevoir les choses est différente. Et pour cela, beaucoup de gens n'ont pas le niveau de ces imams, de ces savants, que ce soit au niveau de la piété, au niveau de la sincérité, au niveau de la manière de penser, au niveau de la manière de concevoir les choses. C'est pour ça que beaucoup de gens de la masse n'arrivent pas à concevoir fatawa l'ulama. Parce que ce n'est pas la même conception. Haoula ulama, a'imma. Parce que ceux-là, ce sont des gens de ilm, de savoir. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et Allah dit, parmi ses serviteurs, il fait bien une distinction en citant que ceux, innama, innama, adatu hasr. C'est un outil de restriction. Innama sert vraiment, c'est comme si on pourrait dire en français, seulement une restriction. Ceux qui craignent vraiment et véritablement Allah, l'ulama, les savants. Les savants. C'est pour cela que il est dit dans le récit, al-baraka, la bénédiction d'Allah, Jalla, elle est toujours chez les grands. Inda al-akabir, chez les grands. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer de préserver son cœur de tout mal. Donc c'est incomparable. C'est pour ça qu'il faut éviter de toucher l'honneur de Haoula, de ses savants, que ce soit avec nos agissements ou nos paroles, avec notre langue. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas toucher les pieux. Il ne faut pas toucher l'honneur des pieux et porter atteinte aux pieux et aux vertueux qui sont les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez, donc il continue, il dit, la principale chose dont les hommes de bon conseil s'occupent, et dont ceux qui désirent l'agrément d'Allah, espèrent la récompense, est de faire parvenir le bien au cœur des enfants croyants, afin qu'ils s'y ancrent. Pour cela, il dit, c'est aussi de porter leur attention aux bases de la religion et aux limites fixées par la charia, afin qu'ils s'y accoutument, de les initier à ce qu'ils doivent croire et mettre en pratique dans la religion. Il continue, il dit, on rapporte en effet que l'enseignement du livre d'Allah éteint le courroux d'Allah, et que ce qui est enseigné en bas âge est comme ce qui se grave sur la pierre. Et ça, c'est connu. Ce qu'on apprend en bas âge, c'est comme une chose qui est gravée sur la pierre. Et la fois dernière, on s'était arrêté, on avait fait une allusion ici à l'introduction ou à la présentation de l'imam Muslim par rapport à son authentique, par rapport à son authentique. Et on avait vu que l'imam Muslim, lui aussi, pourquoi on avait fait allusion à l'introduction de l'imam Muslim? Parce qu'on avait vu que l'imam Muslim, lui aussi, avait présenté son travail. Si vous commencez la lecture de l'authentique de l'imam Muslim, vous allez voir que l'imam Muslim a présenté son travail. Pourquoi? Parce que c'était un shir aussi qui avait demandé à l'imam Muslim justement de rédiger un livre compilant des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wa salam. Et on voit que ensuite, lorsque l'imam Muslim, regardez hein, l'édition qui est rapportée, la version qui est rapportée, que l'imam Muslim va commencer dans son introduction à présenter justement son authentique. Il va commencer à présenter son authentique et sa méthodologie. Sa méthodologie. Pour cela, la fois dernière, on s'est arrêté sur la mention, lorsqu'il a mentionné certains hommes, c'était pour faire montrer que comment les savants étaient rigoureux dans ce qu'ils rapportaient. Dans ce qu'ils rapportaient. Et on avait dit que on avait terminé la fois dernière, par exemple, lorsqu'il avait cité certaines sommités parmi les grands imams, et il les a vantés, il a vanté leur mérite en mentionnant l'exactitude, qu'ils avaient l'aptitude à rapporter des récits dans leur exactitude avec minutiosité. Et le degré de ces imams. On avait même mentionné certains exemples, hein, lorsqu'il a mentionné Ayyub al-Sirtiyani, par exemple, Sulaiman al-Armash, par exemple, de grands imams, en disant et en mentionnant l'exactitude de leur narration. Et il a mentionné d'autres imams de qui il prenait aussi les narrations, en disant qu'ils sont très forts dans les narrations, avec une mémorisation très forte, et que ce qu'ils rapportent, ils rapportent avec une exactitude, sauf que ils sont d'un degré moindre que certains comme Sulaiman al-Armash et d'autres. Et on s'est arrêté sur ça, si vous vous en rappelez. Et ça, c'était, on avait fait une comparaison parce que l'imam Muslim aussi présente son travail, Cheikh qui lui a demandé de rédiger le sahih, l'authentique, et dans la muqaddima, dans l'introduction, dans le probule, on voit que lui aussi, l'imam Muslim, explique, voilà, dans cette explication, dans cette introduction, il y a un ilm ajib. Il va rapporter des choses par rapport à sa manière de rapporter, de compiler, hein, de transmettre les récits ajib. Ajib. Et cela, il va le rapporter d'imam avant lui. Comment ils étaient rigoureux dans cela et strict dans cela. Et je vais vous donner des exemples qu'il mentionne dans son introduction, certains récits. Certains récits, pour qu'on puisse comprendre ici et connaître cette valeur des chaînes de transmission et ce qui nous est rapporté du prophète alayhi salat wa salam et être apaisé lorsqu'on lit ces récits du prophète alayhi salat wa salam sur l'authenticité. L'authenticité et l'exactitude de ce qui était rapporté. Combien de gens de notre communauté ne connaissent pas ce patrimoine, cette science et cette richesse dont on a hérité. Taïb. Par exemple, regardez dans l'introduction, c'est toute son introduction, il va rapporter des narrations, il va parler lui-même, l'imam Muslim, avant de mentionner le premier chapitre. Son premier chapitre, Kitab al-Iman. Il va commencer par Kitab al-Iman. Et il va commencer à mentionner le premier hadith, le hadith célèbre de Omar ibn Khattab, hadith Jibril. Il va commencer à mentionner le hadith de Jibril. C'est le premier hadith qu'il va mentionner dans l'authentique. Dans l'authentique. Et si vous observez par rapport à l'imam al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, lui, dans son authentique, lui, le premier hadith qu'il mentionne dans son authentique, c'est aussi le hadith de Omar, concernant les intentions, innama al-a'mal bi-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ila akhir al-hadith. Observez, l'imam al-Bukhari lui a commencé un hadith, on vient de mentionner, concernant les intentions. Certes, les actes valent selon leurs intentions et pour chaque individu son intention. L'imam Muslim, lui, a commencé par le hadith de Jibril, vu l'importance. Le hadith des intentions, l'action ne saurait être valable et être authentique sans la validité et l'authenticité de l'intention. Et là, l'imam Boukhari fait une portée d'intention sur l'importance de notre niya, de l'intention. Et c'est comme si, en quelque sorte, qu'il espère que son œuvre, son authentique, soit faite sincèrement, qu'il ait une bonne intention envers son Seigneur, envers Allah, Jalla wa'ala. Lui, l'imam Muslim, lui commence son authentique, Kitab al-Iman, lorsqu'il cite le premier livre, après l'introduction, bien sûr, parce qu'il y aura des narrations avant ça, avec le hadith de Jibril. Pourquoi? Parce que le hadith de Jibril renferme la religion tout entière. C'est la religion. Celui qui veut comprendre la religion, qu'il apprenne le hadith de Jibril, il y a toute la religion. Il y a l'islam, l'iman, l'ihsan. Et regardez, pourquoi je vous cite ça, une faïda. Avez-vous vu et constaté les 40 hadiths qu'a mentionné l'imam al-Nawawi? Il a voulu mentionner dans l'Arba'in al-Nawawi, il y a 40 hadiths. En général, hein, c'est appelé comme ça, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Comment est-ce qu'il a commencé? Le premier hadith, Innama al-a'mal bi-niyyat. Le hadith des intentions. Quel est le deuxième hadith? Hadith Jibril, alayhi salam. Certains savants ont expliqué, en l'occurrence, Cheikh Abdel Marcel Abed, Hafidullah, et d'autres savants ont expliqué, quand ils ont commenté les 40 hadiths de l'imam Nawawi, il a dit, regardez, c'est comme si l'imam Nawawi a suivi et imité l'imam al-Bukhari en citant son premier hadith, ensuite il a imité l'imam Muslim en citant le premier hadith aussi de l'imam Muslim. Premier plan, il a cité le hadith de l'imam al-Bukhari, le premier hadith qu'il a cité. Et aussi, ensuite, il a pris le hadith de l'imam Muslim, le premier hadith que l'imam Muslim a cité. Ajib. À première observation, on ne va peut-être pas constater cela. Mais lorsque vous regardez l'observation minutieuse des savants, regardez cette faïda. Entre autres, maintenant on revient à l'introduction de l'imam Muslim. Dans son introduction, ensuite, il va mentionner des récits. Des récits, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la gravité et l'interdiction de mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ment volontairement à mon intention, alors qu'il prépare sa place en enfer. Il a cité le hadith, par exemple: kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Il suffit pour un individu d'être considéré menteur, qu'il dise tout ce qu'il entend, qu'il récite tout ce qu'il entend. Et il a mentionné des hadiths de ce genre dans l'introduction. Et il explique justement son travail, donc la gravité de mentir sur le prophète, donc de rapporter des choses mensongères ou forgées ou inventées ou inexactes du prophète, alayhi salatu wa salam. Et regardez, je vais faire quelques narrations de grands imams dont l'imam Muslim mentionne dans son introduction qu'il évoque en mentionnant sa méthodologie au shir qui lui a demandé d'écrire l'authentique. Regardez ce qu'il dit. قال l'imam Muslim رحمه الله فقال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى قال قلت لطاوس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن صاحبك مليا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه وقال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وحدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزياد عن أبيه عن ابن أبي زياد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهلهم وقال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان حا لسكدي حا يعني ينتقل إلى إسناد آخر يقول حا وحدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان ابن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد ابن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الثقات. Regardez très brièvement. L'imam Muslim parmi les narrations qu'il rapporte, entre autres, il dit, il a été rapporté qu'un jour, un homme, donc là en arabe je vous ai cité la chaîne de transmission, donc en français je ne vais pas la réitérer, un homme qui s'appelait Sulayman ibn Moussa s'est adressé à Taous. Taous, c'était l'un des plus grands élèves d'Ibn Abbas et de grands compagnons, l'une des plus grandes références. Cet homme s'est adressé à Taous en lui disant « Inna fulanan, certes un tel m'a rapporté des récits, des hadiths. Il me rapporte ça, ceci et cela. » Alors il lui conseilla, il lui dit, c'est comme s'il demande conseil à Taous. Un tel me rapporte des hadiths, ceci et cela. Taous lui dit, si ton compagnon est crédible, accepte ce qu'il te transmet. Dans le cas où qu'il est crédible. Et il est rapporté aussi, d'après Ibn Abi Ziyad, d'après son père, qu'il dit, j'ai connu à Médine 100 hommes, qui étaient tous intègres, tous fiables, intègres. Ils étaient intègres dans leur religiosité. Cependant, on n'acceptait pas leur hadith, parce qu'on disait, ils n'en ont pas la maîtrise. Et en arabe, le terme est plus explicite puisqu'il dit yuqalu laysa min ahlihi, c'est-à-dire ils ne font pas partie des gens du hadith malgré leur intégrité, que ce soit au niveau de leur piété, de leur honnêteté, mais ce n'est pas des gens du hadith. Il leur disait donc on ne prend pas de ces gens-là sans remettre en cause leur respectabilité ou leur honnêteté. Ils ne font pas partie de ces gens. Et dans un autre récit, il est rapporté que Sufyan ibn Uyayna rapporte d'après Mis'ar, qui dit qu'il a entendu de Sa'd ibn Ibrahim, qui disait « Les seuls qui peuvent transmettre les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ce sont les athiqat, les gens fiables, qui ont la crédibilité, qui sont habilités à transmettre les récits du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Vous avez vu, ça, c'est des exemples comment ils étaient rigoureux dans cela. Regardez. Il est rapporté une histoire. Un jour, « Qala Muhammad sami'tu Aba Ishaq Ibrahim ibn Isa at-Taliqani. Qala qultu li Abdillah ibn al-Mubarak. Ya Aba Abdurrahman, al-hadith alladhi ja'a. إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. Un jour un homme a dit au grand savant, à l'imam Abdallah ibn al-Mubarak, il dit, j'ai entendu un hadith, on m'a rapporté un récit qui dit qu'il est certes de la bienfaisance, après la bienfaisance, de prier pour tes parents par rapport à ta prière et de jeûner pour eux en sus de ton jeûne. Alors, Abdallah ibn al-Mubarak, faqala Abdullah, ya Aba Ishaq. C'est-à-dire que celui qui s'adresse à l'imam Abdallah ibn al-Mubarak se surnommait Aba Ishaq. Il dit, ya Aba Ishaq, amman hadha, c'est d'après qui ce hadith? Écoutez bien leur méthodologie. C'est pour ça que l'imam muslim rapporte des récits comme ça pour faire montrer la méthodologie des grands imams. Il dit, qui est-ce qui rapporte ce hadith? Le hadith que je viens de vous lire. Vous avez entendu le hadith, hein? Il est sort de la bienfaisance après la bienfaisance, de prier pour tes parents en su de prière et de jeûner pour tes parents en su de jeûne. Abdallah ibn Mubarak dit, ya Aba Ishaq, qui te rapporte cela? C'est d'après qui? Qala qultu lahu, hada min hadith Shihab ibn Khirash. Il dit, c'est un hadith que rapporte un homme qui s'appelait Shihab ibn Khirash. Abdallah ibn Mubarak, l'imam, lui dit, Hada thiqa. C'est une personne crédible, fiable. Il lui dit, d'après qui lui rapporte cet homme, Ibn Shihab ou Shihab ibn Khirash? Qala, il rapporte d'après le Hajjaj ibn Dinar. d'après cet homme que je viens de vous mentionner. Alors l'imam Abdallah ibn Mubarak lui dit Thiqatun, c'est un homme crédible et fiable. Et lui il rapporte de qui ensuite, il lui demande. Il dit qala qultu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors l'imam ibn Mubarak lui dit ya Aba Ishaq, ô toi le père de Ishaq, inna bayna al-Hajjaj ibn Dinar wa bayna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mafawiz. Il lui dit ya Aba Ishaq, entre le dernier homme que tu as cité, Al-Hajjaj ibn Dinar, malgré sa crédibilité, et le prophète, ensemble, il y a des déserts où se brisent les coups des montures. C'est-à-dire, il y a une époque. Pourquoi ? Parce que il fait partie des époques des suiveurs. Donc il y a l'époque des successeurs, Al-Tabi'in, et l'époque du prophète. C'est pour cela qu'il est dit que il y avait donc au moins deux personnes, au minimum deux personnes entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Un compagnon et un suiveur. C'est pour cela que Abdallah ibn Mubarak lui a donné cette image d'un désert, c'est-à-dire une grande coupure dans la chaîne de transmission. Vous avez vu? Pour cela, il n'a pas accepté. Donc, il n'a pas accepté le récit. En lui disant, regardez ce qu'il va lui dire. Malgré qu'il dit, toutefois, il n'y a nulle divergence au sujet de l'aumône. Le fait de pouvoir faire une aumône envers ses parents, il n'y a pas de divergence. Une personne vivante, l'enfant peut faire des aumônes pour ses parents. Tandis que le fait de le faire avec des prières ou du jeûne, là, il n'y a rien d'authentique. Et l'imam n'a pas accepté la narration. Dans un autre récit, regardez. Un homme qui s'appelait Hadathana Abu Aqil Sahib Buhayya. Qala, cet homme que je viens de mentionner, Abu Aqil, il dit, le compagnon de Buhayya, il dit Kuntu jalisan 'inda Al-Qasim ibn Ubaydillah. Il dit, un jour j'étais assis avec Al-Qasim ibn Ubaydillah. Écoutez bien ce qu'il dit. Et il y avait Yahya ibn Sa'id. Donc Al-Qasim ibn Ubaydillah était célèbre. Wa Yahya ibn Sa'id mina immati ruwat. Il était célèbre, c'est un grand imam parmi les transmetteurs et les rapporteurs. Yahya ibn Sa'id ensuite s'adressa à Al-Qasim. Il s'adressa à Al-Qasim, qui était avec lui. Regardez ce qu'il lui dit. Il dit, Ya Abu Muhammad. Son surnom était le père de Muhammad. Ya Abu Muhammad. Il est honteux et grave qu'on t'interroge sur des questions. On interroge quelqu'un comme toi sur un point de la religion sans trouver auprès de toi ni de connaissance ni de délivrance. Ou ni de connaissance et ni de solution. Il a rapporté aussi. Il lui dit, et pourquoi donc? Pourquoi? On t'interroge sur des sujets? Ni on trouve de solution ni de réponse de ta part. Et alors qu'il lui dit, parce qu'ensuite Al-Qasim va lui demander, et pourquoi donc cette interrogation? Il dit, pourquoi tu me demandes? Tu t'interroges comme ça à mon sujet? Il lui dit, parce que tu es le fils des deux imams de la droiture. Tu es le fils de Abu Bakr et de Omar. Pourquoi il dit ça? Parce que cet homme, Al-Qasim, regardez, Ibn Ubaydillah, c'est le fils de Ubaydillah. Et Ubaydillah était le fils de Abdallah ibn Omar. C'est l'un des fils de Abdallah ibn Omar. Donc, c'est-à-dire que son grand-père, c'est Omar ibn al-Khattab. Pour ça, il lui dit, tu es l'un des fils des... Tu es le fils d'un des deux imams, Omar ibn al-Khattab. Et pourquoi Abu Bakr? Parce que la mère de Qasim, la mère, c'était Umm Abdillah. Sa mère, elle s'appelait Umm Abdillah, la mère de Abdallah. Et donc, c'était ici la fille de Mohammed, qui était lui-même, ou plutôt de Qasim, qui était lui-même le fils de Mohammed, le fils de Abu Bakr. Donc, lui, c'était un petit-fils du côté de Abu Bakr et du côté de Omar ibn al-Khattab. C'est pour cela qu'il lui dit, alors que tu es le fils des deux imams de la droiture. Regardez ce qu'il va lui répondre. Il va lui répondre, Al-Qasim répondit, il est plus honteux encore pour celui qui a saisi l'avertissement d'Allah que je parle sans savoir ou que j'accepte une information d'une personne non crédible. Alors Yahya ibn Sa'id se tut et ne lui répondit point. Vous avez vu comment il lui a répliqué en disant, il est encore plus honteux si je réponds en mentionnant des récits de personnes non crédibles ou bien en m'avançant dans un savoir que je ne détiens pas. Moi, je vous récite quelques récits juste pour vous reconnaître le travail de ces grands imams. L'imam Muslim rapporte aussi. Un jour, Abdallah ibn al-Mubarak dit, je dis un jour au grand imam Sofiane al-Thawri, Abbad ibn Kathir, est quelqu'un dont tu connais la situation. Donc il lui demande au sujet d'un homme qui s'appelle Abbad ibn Kathir. Il lui demande à son sujet. Et Sofiane al-Thawri connaissait Abbad ibn Kathir. Alors, il dit, lorsqu'il transmet un hadith, il rapporte des énormités. Penses-tu que je devrais dire cela aux gens? Que je devrais le déclarer aux gens? Que lorsqu'il rapporte des hadiths, il rapporte des énormités? Il lui dit, n'accepte pas ce qu'il rapporte. Sofiane répondit, bien sûr. Dès lors, quand je me trouvais dans une assemblée où l'on évoquait Abed, je louais sa religiosité, puis je rajoutais, n'acceptez pas ce qu'il rapporte. Malgré qu'il était intègre dans sa religion. Dans un autre récit, il est rapporté. L'imam Muslim rapporte d'après Yahya ibn Sa'id al-Qattan, d'après son père, et dit, nous n'avons pas vu les hommes pieux mentir davantage que sur le hadith. Écoutez bien. Il dit, nous n'avons pas vu des gens pieux, qui étaient vertueux, mentir davantage que sur le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Le plus de fois quand il mentait, c'était sur le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit, pour cela, ensuite un homme dit, ensuite j'ai rencontré personnellement Mohammed ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan, et je l'ai questionné à ce propos. Et il a rapporté d'après son père, tu ne trouveras pas les gens de bien mentir davantage que sur le hadith. Donc un homme qui avait entendu cet imam dire cela, un jour il l'a rencontré et lui a demandé, et il a dit, il a rapporté la même chose de son père, qui disait, tu ne trouveras pas un homme pieux mentir davantage si ce n'est sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Muslim précise, il veut dire, le mensonge sort de leur bouche, mais ils ne le préméditent pas. Ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que cela soit prémédité. Vous avez compris sa parole lorsqu'il dit que je n'ai jamais vu de vertueux mentir plus, de gens pieux mentir plus, si ce n'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il rapporte des choses sans vérifier. Leur mensonge n'est pas prémédité, mais ils mentent. Ils considèrent les imams que c'est du mensonge sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et un savant qui commentait justement l'authentique de l'imam Muslim, regardez ce qu'il dit, c'est parce qu'ils ne connaissent ni la méthodologie des gens du hadith, ni leur méticulosité sur ce point. Ainsi, l'erreur entache leur narration à leur insu. Ils transmettent le mensonge sans le savoir. Vous avez vu comment ça va vite? Là, il parle de gens dignes, hein, de gens pieux, vertueux, qui mentent sur le messager d'Allah sans savoir, mais ce n'est pas prémédité. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la méthodologie, ce savoir-là. Et parmi les exemples aussi, c'est que un jour, Abdallah ibn al-Mubarak dit, regardez, en parlant d'un homme qui s'appelait Baqiyya. On lui demandait au sujet d'un homme qui s'appelait Baqiyya. Regardez ce que dit Abdallah ibn al-Mubarak, qui est un imam dans cette science. Il dit, « Saduq al-lisan ». C'est une personne véridique. On lui demande au sujet d'un homme, il s'appelle Baqiya. Abd al-Mubarak dit, Hada Sadouq al-Lisan. C'est un homme véridique, il dit la vérité. C'est ce qu'il dit. Walakinahu ya'khudh amman aqbala wa atbar. Mais par contre, il dit, il accepte le hadith de tout venant. Malgré qu'il dit que c'est une personne qui dit la vérité, il ne ment pas. Mais par contre, il prend le hadith de tout venant. Tout ce qui vient de Karpadé, il prend. C'est-à-dire qu'ici, là, il met en cause sa crédibilité. C'est-à-dire que si l'imam dit, par contre, au sujet de la narration, de la transmission des hadiths, il prend de tout le monde. Yarni, il faut mettre une réserve sur cela. Donc ça, c'est juste des exemples que je vous rapporte. Regardez, un jour, un homme dit, j'ai rencontré Jabir ibn Yazid al-Ja'fi. Jabir ibn Yazid al-Ja'fi. فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَ. هَذَا, cet homme-là, Jabir ibn Yazid al-Ja'fi, c'était un homme dont, à l'époque, ils acceptaient une certaine période ses narrations, hein, ce qu'il transmettait, jusqu'à ce qu'il est rapporté qu'il a commencé à croire à ce qu'on appelle al-Raj'a, la doctrine de al-Raj'a. Lorsqu'il a commencé à croire à cela, ils n'ont plus accepté de lui. Et il faisait partie des gens non fiables, dont il ne fallait plus prendre le récit. C'est pour cela que cet homme, qui disait que Haddassana, l'imam Muslim dit, Haddassana Hassan al-Halwani, Haddassana Yahya ibn Adam, Qala Haddassana Mis'ar, Qala Haddassana Jabir ibn Yazid, Qabla an yuhdisa ma ahdas. Donc ils ont déjà rapporté de lui Jabir ibn Yazid avant qu'il croit en la doctrine de Ar-Raja. Lorsqu'il a cru en cette doctrine-là, alors là ils n'ont plus accepté de lui. Quelle est cette doctrine? L'imam al-Nawawi, dans le commentaire de Sahih al-Muslim ou Al-Qadi ibn Iyad, ils expliquent cela. C'est lorsqu'il a prétendu, certains ont prétendu, parmi ceux qui croyaient en la doctrine des duodécimains ici, ils ont cru que, en une croyance que Ali, allait revenir. Yani, ils ont cru au retour. Pour ça, on parle de la doctrine de Raja, du retour. Ils pensent que Ali va revenir. Et qu'il est donc Ali, pour eux, ils prétendent qu'il va revenir sur terre et qu'il ne serait pas mort, mais plutôt là, il est dans les nuages. Il considère qu'il est dans les nuages et qu'il reviendra sur terre. C'est pour ça qu'on appelle ça la doctrine du retour. La doctrine du retour. Quand cet homme a commencé à revendiquer ça et à croire en cela, alors là, ils n'ont plus jamais accepté. Ils n'ont plus jamais accepté de lui. Et comme vous savez, ils ont des croyances encore pires. Ils ont des croyances encore pires que ça, on ne va pas s'étaler. Mais, par exemple, ça, c'est la croyance en pensant que Ali est dans les nuages, il va revenir sur Terre. Et ils ont des croyances encore pires sur Al-Mahdi. Al-Mahdi. Par exemple, Al-Muhim. Al-Muhim, après, c'est. On va aller vers d'autres sujets. Al-Muhim, on pourrait citer certaines choses de cette doctrine dans d'autres assises. Pour terminer, donc vous avez vu le travail scrupuleux. Là, moi, je vous ai juste cité certaines narrations. Il y en a d'autres. L'imam Muslim, pour ça, je vous réfère à la lecture, hein, de l'introduction. Vous allez voir tous les récits que mentionne l'imam Muslim. Parmi ces récits, il dit, un jour, un homme dit, Abu Ja'far al-Darimi, il rapporte, il dit, Haddassana Bishr ibn Omar. Bishr ibn Omar, cet homme-là, a rencontré l'imam Malik. L'imam Malik. Un jour, cet homme dit, j'ai interrogé moi-même l'imam Malik. Je lui ai dit, écoutez bien ce qu'il va dire à l'imam Malik. L'imam de la demeure de l'immigration. Il dit, d'après Mohammed ibn Abdurrahman, celui qui rapporte de Saïd ibn al-Musayyib. Donc il interroge l'imam Malik au sujet de cet homme, Mohammed, le fils d'Abdurrahman, cet homme-là qui rapporte d'après le grand imam là, qu'on appelle la tête de Tabi'in, Saïd ibn al-Musayyib. Donc il interroge à son sujet. L'imam Malik lui dit, laysa bithiqa. Il n'est pas crédible. Alors l'homme continue, il dit, donc j'ai interrogé encore l'imam Malik au sujet d'un autre homme, un narrateur qui s'appelait Abul Huwayrith. Et l'imam Malik lui dit, Laysa bithiqa. Il n'est pas crédible. Alors, l'homme l'interroge au sujet d'un autre et lui dit, je l'interrogeais au sujet de Shorba. Shorba, un Shorba précis, qui rapportait de Ibn Abi Dhi'ib. Ibn Abi Dhi'ib. Alors l'imam Malik lui dit, Qal, Laysa bithiqa. Il n'est pas crédible et fiable. Alors l'homme continue, il lui dit donc, je l'ai encore interrogé au sujet d'un autre homme, un rapporteur qui est Salih Mawla At-Tawama. Au sujet de cet homme, au sujet de Salih Mawla At-Tawama. Et l'imam Malik lui dit, Laysa bithiqa. Il n'est pas fiable, il n'est pas crédible cet homme. Alors il dit, je l'ai interrogé au sujet d'un autre homme encore. Je lui ai demandé, Sa'altu an Haram ibn Uthman. Au sujet de cet homme qui s'appelait Haram ibn Uthman. Faqala l'imam Malik, Laysa bithiqa. Ce n'est pas un homme fiable, il n'est pas crédible cet homme. Alors, il dit, Sa'altu Malikan an Haula al-Khamsa. Donc j'ai interrogé l'imam Malik au sujet de cinq hommes. Et il m'a dit, ces cinq hommes ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas fiables. Alors, Faqala Laysu bithiqatin fi hadithihim. Il lui dit, ils ne sont pas crédibles dans ce qu'ils rapportent comme hadith. Donc il dit ensuite, j'ai interrogé l'imam Malik au sujet d'un autre homme, mais j'avais oublié son nom. Il avait oublié son nom. Donc il dit, je l'interrogeais, et l'imam Malik lui dit, au sujet de cet homme, donc le questionnaire a oublié son nom, l'imam Malik lui dit, est-ce que tu l'as vu mentionné dans mes livres ? Cet homme donc t'a oublié son nom. Est-ce qu'il est mentionné dans mes livres ? Hal ra'aytahu fi kutubi ? Faqala la. Qal, law kana thiqatan la ra'aytahu fi kutubi. Il lui dit non, je ne l'ai pas vu mentionné dans tes livres. Et il dit, bah, s'il aurait été fiable et crédible, tu l'aurais vu dans mes livres. Hakadha kan a'immat as-salaf. Dans un autre récit, regardez, un jour, un homme dit, Abdallah ibn, rapporte que Abdallah ibn al-Mubarak, le grand imam, a dit, si tu vas chez cet homme qui s'appelle Jarir, Jarir était un grand rapporteur de hadith, de prophète. Abdallah ibn al-Mubarak dit à un homme, si tu vas chez lui, pour entendre les hadiths, alors il dit, transcris de ton savoir, c'est-à-dire écris, hein, de lui, sauf les hadiths de trois hommes dont il rapporte. C'est-à-dire, tu peux écrire de lui, sauf il y a trois hommes. Regardez comment il maîtrisait. Sauf il y a trois hommes de qui il rapporte, lorsqu'il mentionne ces hommes-là, ne prends pas. N'écris pas de lui. Là, il parle de d'imam. Hein. Lorsqu'il va mentionner trois hommes, ne prends pas de lui. Il dit, n'écris pas les hadiths de Ubaïda, de, premièrement, Ubaïda, Ibn Mu'attib, et de As-Sarri ibn Ismail et de Mohammed ibn Salim. Lorsqu'il cite ces trois-là, ne prends pas. Hakada. Et c'est pour ça, pour terminer, vous avez vu, je vous ai cité juste des exemples. Et ça, l'imam muslim les mentionne dans la Muqaddima sur l'importance de la narration. Ensuite, l'imam muslim va dire, et nombreux, ça parle de l'imam muslim encore, là, sa parole à lui, il dit, nombreux sont les propos des gens du savoir similaires à ceux que nous avons cités au sujet des transmetteurs discrédités du hadith et de la narration et de la mention de leurs défauts. Les énumérer de manière exhaustive tireraient le livre en longueur. Ça serait long de mentionner tout ce qui est lié à ce sujet. Or, ce que nous avons évoqué suffit à celui qui comprend et saisit la doctrine, al-madhhab, de ces grands imams, concernant ce qu'ils ont dit et expliqué à ce sujet. On passe et on voit, regardez, je passe, un long passage, et à la fin, regardez ce que va dire l'imam Muslim, comment qu'il termine. Regardez ce qu'il va dire. Ah là, c'est un grand enseignement. Regardez comment il pensait à son époque, hein, lorsqu'il rédige son authentique. Regardez ce qu'il dit, par rapport à tous ses rapporteurs. Donc il y a différents rapporteurs qu'il va mentionner. Il y en a, c'était des menteurs, qui mentaient volontairement. Il y en a, ils mentaient, mais c'était dû à leur manque de savoir concernant la méthodologie des gens du hadith. Il y en a, ils disaient qu'ils n'étaient pas crédibles et fiables, du fait qu'il ne faisait pas partie des gens du hadith. Il y en a, donc il disait qu'ils ne sont pas fiables malgré leur religiosité, leur intégrité, leur honnêteté, mais il est considéré daïf par rapport, par exemple, de qui ils prennent leur savoir, de qui ils rapportent, etc. Donc il y avait de nombreuses raisons. Il y en a à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Il termine, l'imam muslim, cette parole-là, en disant « Je pense que nombre de ceux qui s'arrêtent à ces hadiths faibles, écoutez bien, et ces chaînes de transmission inconnues que nous avons décrites, qui tiennent compte de leur transmission, bien que connaissent leur défaillance et leur faiblesse, regardez, il parle de gens qui transmettent des récits en sachant qu'il y a parfois des défaillances dans la transmission. Ils ne tiennent pas compte de cela et de leur faiblesse. Regardez ce qu'il dit. Les transmettent et les considèrent dans le seul but de multiplier leur nombre auprès du public, auprès des gens. De narrer, de compter les hadiths du prophète, de multiplier les récits, tout cela pour le public, c'est-à-dire pour les gens. Parce que plus on rapporte de récits, plus ils rapportaient des hadiths, plus, eh ben, ils avaient une notoriété. Et plus ils étaient fiables, ils étaient connus auprès des gens. Celui, par exemple, qui, lui, rapportait quelques hadiths, n'était pas comme celui qui rapportait une multitude de récits. Les gens le considéraient comme imam hada. Vous voyez ce que va dire l'imam muslim ? Il va dire donc, ils les transmettent en les considérant de la sorte dans le seul but de multiplier leur nombre auprès du public pour qu'on leur dise, écoutez bien, quel grand nombre de hadiths il a rassemblé et réuni. Celui qui adopte une telle conduite, il va dire, dans la science et emprunte ce sentier, alors il n'aura aucune part de celle-ci. Et ça, ça nous apaise. Lorsqu'on voit un imam qui pense d'une telle manière, Hada kitabun nafis azim. C'est un livre qui est immense. Certains savants, ils ont même divergé. Majorité considère qu'après le Coran, le plus authentique, c'est le Bukhari. Donc ils ont dit, la prédominance, elle est dans l'authentique de le Bukhari. Certains ont dit, là, muslim. Ils ont divergé tellement le livre où l'imam fait Hada al-Fan. Vous avez vu ce qu'il dit ? Donc lui, on voit bien ce qu'il recherche, c'est pas de multiplier les narrations des récits et des hadiths. C'est pas ça. Il dit, ah oula, ceux qui veulent faire ça, et qui ont entrepris le sentier de cela, ils n'auront aucune part de cela, et feraient mieux de le qualifier d'ignorant. On ferait mieux, cet individu, de le qualifier d'ignorant, plutôt que de l'affilier au savoir, au ilm. Et regardez par exemple, combien de hadiths a rapporté l'imam al-Bukhari dans son authentique ? Quelques milliers. Quelques milliers. Alors que les savants disent que l'imam al-Bukhari en connaissait des centaines de milliers. Mais il a rapporté quelques milliers de hadiths dans son authentique. Alors qu'il est rapporté que l'imam al-Bukhari pouvait débiter 200 000 hadiths comme s'il récite « Qulou Allahu Ahad ». 200 000 hadiths, il pouvait les réciter comme cela avec les chaînes de transmission. L'imam muslim, de même, il connaissait des milliers de hadiths. Il en a recensé et cité dans son authentique, quelques milliers de hadiths. On voit que pour eux, ce n'était pas le nombre. Mais pour eux, c'était la fiabilité des chaînes de transmission et donc de ces récits, ce qu'ils allaient rapporter du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Vous avez vu, hein, nombre de livres ont été écrits dans le domaine, et c'est ces livres-là, ensuite, qui, on va dire, ont connu un succès et qui ont perduré dans le temps. On revient à la Muqaddima. Ensuite, Ibn Abi Zayd continue dans... Donc on a fait une petite parenthèse par rapport, et c'est à l'importance ici, le travail de ses savants. Comme lui, Ibn Abi Zayd, présente son travail à son shir, on voit de la manière dont l'imam Muslim a présenté le travail à celui qui lui a demandé de le rédiger. Vous avez vu la relation ? Taïb. Et il dit, donc j'ai présenté pour toi, maintenant on revient à Ibn Abi Zayd, la présentation, il dit, j'ai présenté pour toi ce dont il pourrait profiter de sa mémorisation tirent dans le vœu, dont la connaissance les ennoblira et dont la croyance et la mise en pratique les rendront bienheureux. Il a été relaté dans le hadith qu'on devait leur prescrire la prière à 7 ans. Vous avez le hadith, hein? Les convier de prier à l'âge de 7 ans et de sévir, hein, de les faire à l'âge de 10 ans. Pour celle-ci, à 10 ans, et qu'on devait les séparer de leur lit. De la même façon, il convient de leur apprendre avant la puberté. Ce qu'Allah a rendu obligatoire pour les hommes, comme parole et action. Ainsi, ils pourront atteindre l'âge nubile, alors que cela se sera bien établi en leur cœur. Que leur âme en seront réconfortées et que leur corps se sera familiarisé avec cette mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet prescrit pour le cœur des actes touchant aux convictions et pour les membres extérieurs des actes de dévotion. Fadal Cheikh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعث محمدًا ودعوته Donc pour terminer, Inch'Allah, on termine l'introduction, hein, ce que mentionne Ibn Abi Zayd, l'imam, rahimahullah, dans son introduction. Donc il termine en disant à son shir, wa c'est au fassilu laka ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et à la fin, il dit à son cheikh, à la fin de la Muqaddima, donc je vais donc t'exposer ce dont je me suis tenu à ton égard. Chapitre après chapitre. C'est-à-dire que là, il va lui dire que ce qu'il va exposer ici, ce que son cheikh lui a demandé, il va l'exposer et donc il va mentionner des chapitres. Pourquoi ? Il dit pour en faciliter la compréhension aux apprenants. Pour que ça soit simple et simplifié et aisé pour les enfants qui vont apprendre. Et il dit si Allah le veut, le Très-Haut. Et regardez juste avant qu'il mentionne ça, regardez comment il a mentionné, il dit, et Allah a en effet prescrit dans le cœur des actes touchant aux convictions et pour les membres extérieurs des actes de dévotion. C'est comme si s'il faisait allusion ici aux actes du cœur qui font partie de la croyance, à l'aqida, des convictions du croyant, et des actes des membres, les adorations qu'on pratique, hein, qu'on accomplit à travers les membres. Et c'est pour cela qu'on voit qu'ensuite, comment est-ce qu'il va commencer cette risala ? Par la muqaddima. Là, on a dit, c'est la présentation de son œuvre à son shir. La muqaddima sera liée au domaine de la croyance. La croyance, c'est ce qu'il mentionne ici comme les actes touchant aux convictions. Ensuite, après la muqaddima, son introduction, là, il va mentionner ensuite la jurisprudence relative aux actions et aux différents actes d'adoration qui s'accomplissent à travers les membres extérieurs. C'est pour cela qu'à la fin, il lui dit, il conclut en lui disant « Pour cela, je vais donc t'exposer ce dont je me suis tenu à ton égard, chapitre après chapitre. » Il va mentionner des chapitres sur différents sujets. « Et cela sera pour profiter la compréhension aux apprenants. » Et il dit « Inch'Allah, si Allah le veut, celui à qui nous demandons de nous indiquer le bon choix, ainsi celui à qui celui dont nous implorons l'aide. Et il dit, il n'y a point de puissance et de force que par Allah, le suprême, l'immense. Et ensuite il termine en disant wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa ahlihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Et il termine en disant que la bénédiction et le salut d'Allah, maintes fois renouvelé, soit sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et de là, Ibn Abi Zayd termine la, on va dire, la présentation, et demain on commencera sur, maintenant, après qu'on prendra quelques points, on terminera quelques points de l'introduction, là on a fini de la lire, la présentation, on prendra quelques points du commentaire, et ensuite on pourra commencer maintenant dans l'épître lui-même, et le premier chapitre qu'il va mentionner, il va dire, chapitre, ce que les langues doivent prononcer et les cœurs doivent croire dans la religion. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani va commencer cela en disant chapitre, ce que les langues doivent prononcer et les cœurs doivent croire dans la religion. Et Inch'Allah, on commencera la lecture et l'étude de ça, si Allah nous le permet, demain à la même heure. Wallahu al-musta'an, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك